salut ma pote, salut mon pote. Eh, hey, c'est pas parler vous français, mais c'est quand même Pascal Sevran pour te mettre en ce tronc, pour te servir, pour te faire zézir et pour te mettre bien. Je t'amène l'album Ghetto Prodige, c'est l'album de 400 yens, Capuche et la Yenne qui reviennent avec tous les MC les plus lourds du moment. Eh, hey, gros, c'est la relève du 9-4, le groupe le plus attendu du rap Sevran. Et c'est Pascal Sevran qui te le dit, alors mets-toi bien, mets-toi isolé, c'est dangereux. Le son qui sort des blocs, c'est du bon, c'est du lourd.